Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 14 octobre 2022. Voici les grands titres. Tous les membres du comité exécutif et conseil de surveillance de la coopérative Mourimigiri Jambo du village 3 de la commune Guihanga sont détenus au commissariat provincial de la police à Wubanza. Ils sont poursuivis pour mauvaise gestion. Les provinces Rutana, Chibitoke, Rumonge, Makamba, Wubanza, Ruyigi et Tchankouzo sont plus endémiques que les autres à la lèpre. Chaque année, 400-500 nouveaux cas sont enregistrés au Burundi. Des chiffres donnés dans un atelier média qui prépare la campagne de dépistage de cette maladie prévue du 24 au 28 de ce mois. Et à Gitega, les cultures de haricots et de manioc sont déjà semées. Quand la pluie est tombée, ont déjà tari. Les cultivateurs craignent une famine imminente. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Le Burundi enregistre chaque année 400 à 500 nouveaux cas de lèpre. Cela ressort dans l'atelier média pour préparer la campagne de dépistage de la lèpre prévue du 24 au 28 de ce mois au programme national intégré de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Docteur Pancras Nibarufata a précisé que cette maladie se transmet par voie respiratoire et selon lui, la période d'incubation est comprise entre 2 et 8 ans. Il ajoute que son premier symptôme est une tache indolore sur le corps. De plus, tous les âges peuvent être atteints de la maladie et toutes les provinces sont touchées par la lèpre. Mais il existe des provinces plus endémiques que les autres, à savoir Rutana, Chibitoke, Rumonge, Makamba, Wubanza, Ruyigi et Tchankouzo. Je venais de vous le dire, les cultivateurs de la province de Gitega craignent que la récolte risque de ne pas être bonne à cause du retard des pluies. Certains d'entre eux que notre confrère a visité sur la colline Rutegama en commune et province Gitega disent que même les cultures déjà semées comme le haricot et le manioc, quand la pluie est tombée, ont déjà tari. Ils trouvent que si ça continue comme cela, il y aura beaucoup de maladies et surtout des vols à cause de la famine. Arthur Kavabouchi. Au moment où les cultivateurs étaient habitués à la tombée des pluies avec le mois de septembre, certains d'entre eux que nous avons rencontrés sur la colline Rutegama, zone Gitega rurale, sont dans le désespoir et craignent que la récolte ne sera pas bonne comme le dit cette femme. D'habitude, la pluie commençait à tomber au mois de septembre et on défrichait, on plantait le manioc, mais ce n'est pas le cas cette année. Nous attendons ce que le Seigneur va faire parce que nous n'y pouvons rien. Ce retard des pluies ne manque pas de conséquences comme le vol et les maladies. Les problèmes sont nombreux car les enfants à ce moment allaient cueillir les feuilles de haricots. Mais comme ce n'est pas le cas, le vol va s'accentuer à cause de la famine. Quand la pluie ne tombe pas, ça montre que nous allons semer en retard et manquer de récolte. Ça va occasionner la famine et ça va toucher la santé des enfants surtout. Cependant, ces cultivateurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que ce qu'ils avaient semé comme le manioc et le maïs, c'est déjà sec. Pour certains, nous avions déjà planté le maïs, les patates douces et le manioc, mais ça s'est asséché et dans cette vallée, à cause de la pluie, nous n'aurons pas de récolte. Suite au soleil, dans certains champs où on avait semé avec la tombée des premières pluies, des plantes sont sèches et dans d'autres, on a défriché et on attend que la pluie tombe abondamment. Depuis Gitega, Arthur Kavabouchi, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kavabouchi. Le manque d'alimentation suffisante et d'habitat décent dû à la précarité des revenus. Voilà les défis observés sur les collines Rwamvura, Sasuke et Rujungu, habitées par les Batois en commune Kigama de la province Tchankouzo. L'association Iprebad, qui œuvre pour le développement des Batois, leur a donné ce jeudi des semences de haricots et des roux après 3 jours de formation sur les cultures à forte valeur nutritive pour les inciter à promouvoir ces cultures. Raymond Moudende. Il s'agit de 81 ménages dont la plupart habitent la colline Gwamvula en commune Kigamba de la province Tchankouzo, confrontés au manque d'alimentation suffisante et d'habitat décent. Signorine Nijimbele, leader de la communauté de Sebatwa, informe que même si les batois de la commune Kigamba ont des terres cultivables, d'autres n'en ont pas, et la plus grande difficulté est le manque de semences, et selon elle, le manque d'habitat décent et surtout le manque de nourriture occasionne les abandons scolaires. Et de dire qu'actuellement, c'est les 30 enfants batois, 667, qui devraient être scolarisés, fréquentent l'école. Jean-Claude Ndayiragije, représentant légal de l'association IPREBAD, qui œuvre pour le développement des batois, dit qu'après 3 jours de formation sur les cultures à forte valeur nutritive, les batois de la commune Kigamba pourront promouvoir les cultures de haricots, de maïs, de soja et de légumes pour leur autosuffisance alimentaire. Et ce jeudi, après ces 3 jours de formation, cette association a donné à ses familles évatoires des semences et des roues. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Mudende. Tous les membres du comité exécutif et conseiller de surveillance de la coopérative Murimigiri Jambo du village 3 de la commune Guianga qui travaille avec la Société régionale de développement de la plaine de Limbo et Serdeyi sont détenus au commissariat provincial de police à Bubanza. Selon les membres de cette coopérative, ils se sont octroyés des crédits sur le compte de la coopérative sans l'aval de l'Assemblée générale et c'est une délégation de l'ANACOP, l'agence de régulation et de promotion des sociétés coopératives, qui a fait une enquête et qui a par la suite commandité cette arrestation. Un jour avant, cette même délégation avait fait d'autres enquêtes sur les frais d'encouragement perçus par les mêmes individus et ils les ont vite remboursés. Il est 13h01 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, plus de 630 procès dans les tribunaux de résidence de cette commune de la province de Kirundo, ainsi que 113 du tribunal de grande instance de cette province, ne sont pas jusqu'ici exécutés suite aux divers problèmes, dont le manque de déplacement jusqu'au lieu des conflits. Cela a été dit ce jeudi par le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana. C'était lors de la célébration du 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Cette autorité promet à la population de l'implication dans l'administration pour faire face à ce problème. Abraham Safari. Comme l'a dit Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo, lors de la célébration du 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, la province de Kirundo connaît divers problèmes dans le secteur de la justice. Ici, il fait allusion aux procès qui ne sont pas jusqu'ici exécutés, où 630 procès des tribunaux de résidence n'ont pas été mis en exécution dans les 7 communes de la province de Kirundo, ainsi que 113 procès du tribunal de grande instance de Kirundo. Cette autorité précise que certaines barrières de mise en exécution de ces procès sont entre autres l'insuffisance des moyens de déplacement jusqu'au lieu des conflits, surtout que la plupart de ces derniers sont des conflits fonciers. Il a profité de cette occasion pour promettre à la population de Kirundo que l'administration va s'impliquer activement à partir de ce même mois d'octobre afin de terminer ces défis dans le secteur de la justice. Il a toutefois mise en garde ceux qui retardent volontairement ces procès pour fatiguer une partie, sans oublier aussi des juges qui sont corrompus. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Le Burundi abrite l'année prochaine le championnat d'Afrique de rallye. Adam Negamiye, secrétaire général adjoint du club automobile du Burundi et directeur de course, fait savoir que l'organisation de cette compétition est d'une grande importance pour le pays et promet de s'investir pour la réussite de cet événement sportif. Sachez que cela faisait 30 ans qu'une telle activité n'avait pas eu lieu au Burundi. Suivez-le. Accueillir le championnat d'Afrique des rallyes au Burundi, ça demande beaucoup de moyens. Les avantages pour les entreprises locales et aussi pour l'image du pays. Ce rallye, c'est une exposition sur le monde. En fait, c'est un rallye qui figure bien sûr sur le championnat d'Afrique des rallyes, mais aussi sur le calendrier de la Fédération internationale de l'automobile. Vous entendez par là que ce rallye sera un rallye qui sera suivi par le monde entier et ça sera une exposition pour les entreprises burundaises de faire connaître leurs produits au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau du Burundi. Mais aussi, le championnat d'Afrique des rallyes, c'est aussi une exposition au niveau touristique. Et ça sera une occasion pour les hôtels, les restaurants, les bars, mais aussi les artisans et tout le monde, de faire connaître leurs produits, de bénéficier de devises que ces gens vont apporter durant cette période. Accueillir le championnat d'Afrique des rallyes sur le sol burundais, c'est un avantage pour notre pays, c'est faire connaître notre pays davantage et aussi pour faire connaître nos entreprises locales. Le club automobile du Burundi fera tout son possible pour que cet événement soit un événement qui sera digne d'une image du Burundi actuel. Actualité internationale. Au Burkina Faso, les assises nationales débutent ce vendredi pour deux jours à Ouagadougou. Les différents représentants des couches socioprofessionnelles sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition deux semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. En tout, près de 300 personnes sont attendues. Deux ans, c'est la durée de la transition à compter du 1er juillet 2022. C'était en principe acquis en accord avec la CDAO lors d'un sommet à Accra. C'était l'été dernier. Et la ligne du chemin de fer Mombasa-Naivasha dans la vallée du Rift, via la capitale kenyane Nairobi, le plus grand projet d'infrastructure du Kenya depuis son accession à l'indépendance en 1963. Son coût, 5 milliards de dollars, financé à 90% par la Chine. Seulement 5 ans après son ouverture, cette ligne fait débat. Le quotidien kenyan Business Daily a rapporté que le gouvernement n'avait pas remboursé les intérêts du prêt sur l'exercice clos en juin, s'attirant une amende de 10,8 millions de dollars. Information rejetée jeudi par Nairobi. Le Kenya n'a jamais manqué au règlement de ses obligations de service de la dette envers l'un de ses créanciers, a déclaré le secrétaire du cabinet du Trésor kenyan, non sans vanter la situation financière saine et robuste de la puissante économique de l'Afrique de l'Est. Pourtant, fin juin, écrivent nos confrères d'Africa News, la dette publique du Kenya s'est élevée à 71,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,5% par rapport à l'année précédente, selon des chiffres du gouvernement. Pas que les remboursements des intérêts sur les prêts ont augmenté ces derniers mois, le shilling perdant de la valeur face au billet vert. Hier, jeudi, il fallait 121 shillings pour 1 dollar. Vous saurez que la Chine est le deuxième prêteur du Kenya après la Banque mondiale. Ce pays a financé plusieurs projets d'infrastructures coûteux qui ont soulevé des inquiétudes sur le fait que Nairobi ne s'endette plus qu'il ne peut se le permettre aujourd'hui. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Tous les membres du comité exécutif et conseil de surveillance de la coopérative Mourinho Girijambo du village 3 de la commune Gihanga sont détenus au commissariat provincial de la police à Bubanza. Ils sont poursuivis pour mauvaise gestion. Les provinces Rutana, Chibitoke, Rumonge, Makamba, Bubanza, Ruyigi et Chankuzo sont plus endémiques que les autres. À la lèpre, chaque année, 400 à 500 nouveaux cas de lèpre sont enregistrés au Burundi, des chiffres donnés dans un atelier média pour préparer la campagne de dépistage de cette maladie prévue du 24 au 28 de ce mois. Et à Gitega, les cultures de haricots et de manioc déjà semées quand les premières pluies sont tombées en septembre ont déjà tari. Les cultivateurs craignent une famine imminente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Innocent Bibonimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, on a passé un très bon après-midi.